Thank you. J'essaye de suivre en temps réel. I try to follow you, Russian boy. Là-dessus. Eh bien, Mike. Eh, Mike. Allez, Mike, si tu pouvais venir, ce serait bien si tu venais, Mike, chanter une chanson avec nous. On serait bien contents. Alors j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic et ça m'a fait du bien. Oh putain, je fume trop et je bois trop, j'ai tous. Dédicace spéciale pour la Russie. D'ailleurs, sur Periscope, il y a beaucoup de Russes qui font des lives. Notamment des. Putain, j'ai mal au dos, bordel. Vous avez trouvé un bon client, les gars, là. Il est bon, lui, hein. Là, c'est pas la même. On n'est pas au même niveau, là. Après, il est de haut de gamme, là. Là, on marche dans les grosses bagnoles, pas connaître la chanson russe. Toi, boire vodka avec moi et après jouer violon. pilote. Camarade russe. Play again. Sorry. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Rory. Ah. It changed everything. Je suis parti un jour de chanter sur ta musique, mais ça part dans tous les sens, même si c'est super joli. Bref. Mmh. Mais je suis en train de travailler clavier chez moi. Je travaille des morceaux de piano. Je travaille ça. Le matin, quand je me lève pour aller bosser, je te rassure, je me suis vite retrouvé. Je sais qu'il faut lever mon cul de ce lit. J'aimerais bien rester couché, tu vois. Je suis perdu dans cette vie. Cette vie où faut bosser, bosser encore, trimer pour quelques centimes d'euros. C'est qui Sacha? C'est Sharon Stone? Ah oui, c'est Sharon. Ça fait plaisir de voir que tu t'es mis au vélo, c'est bien. Parce que le vélo, Ça fait du bien dans la tête. Quand ça va pas dans la tête, tu prends ton vélo. Tu vas faire du vélo. En couille, je sens. Ça va partir en couille encore une fois. Je sens que ça va partir en couille.